France Culture avec Philosophie. Géraldine Mühlmann. Nous parlons des âges de la vie cette semaine. Nous nous demandons si l'âge est vraiment dans la tête, comme on l'entend dire parfois. Voici le troisième épisode. Nous, occidentaux, savons-nous encore vieillir ? Les EHPAD nous effraient. Enfin, c'est surtout ce qu'on appelle la dépendance affectant à un moment donné les personnes de grand âge qui nous effraie. C'est un enjeu social et politique. Les conditions du soin qui font signe aussi vers les conditions de travail des personnels soignants sont d'immenses questions. Mais sous ces questions, il y a le problème plus général du vieillir, la perception que nous avons de ce processus, les angoisses corrélées. D'autres civilisations ont-elles été ou sont-elles encore plus sages que nous dans ce domaine? Nous allons évoquer ce matin les Grecs anciens, nos ancêtres, à nous occidentaux. Tout ce qui concerne la vieillesse paraît là plus beau et plus simple que chez nous aujourd'hui. Mais ne faut-il pas se méfier un peu des images d'Épinal? Les modernes n'ont-ils pas osé se confronter vraiment à l'insupportable du vieillissement? Peut-on croire sans naïveté que jeunes et vieux pourraient aujourd'hui en Occident cohabiter paisiblement, peut-être même sous le même toit, sans difficultés concrètes? Bonjour Véronique Boudon-Milot. Bonjour. Vous êtes agrégée de lettres classiques, directrice de recherche au CNRS, à l'université Paris-Sorbonne, et vous venez de faire paraître aux belles lettres un livre intitulé « Vieux, un grec ne peut pas l'être ». Bonjour Aline Chamaillan. Bonjour. Vous êtes en duplex avec nous dans les studios de France Bleu Provence, qu'on remercie. Vous êtes sociologue, maîtresse de conférence à l'université d'Aix-en-Provence, l'une des meilleures spécialistes françaises du vieillissement. Aujourd'hui, la maladie d'Alzheimer vous intéresse, mais je reviendrai à votre livre de 2012 chez l'Harmattan, « Vivre les âges de la vie, de l'adolescence au grand âge ». Et puis vous nous direz notamment dans cette émission si vieillir est la même histoire pour les hommes et pour les femmes. Enfin, bonjour Pierre-Henri Tavoyot. Bonjour. Vous êtes philosophe, maître de conférence à Sorbonne Université, auteur de beaucoup de travaux et notamment d'une philosophie des âges de la vie coécrite avec Éric Deschavannes et publiée chez Grasset en 2007. C'est au milieu de la garrigue qu'on trouve la maison de Karine Demarque. Allez-y, je vous en prie, rentrez. Accueillante familiale depuis 6 ans maintenant. Ici, vous êtes dans leur salon, petit coin kitchenette. Et à gauche, quelques marches. Et là, c'est notre maison d'origine avec notre univers à nous. Donc on a essayé d'organiser la maison pour qu'on vive ensemble, chacun chez soi, mais en même temps. 110 mètres carrés, réservés aux trois locataires et aménagés pour préserver leur autonomie. Climatisation, barre d'appui au mur ou encore sonnette d'alarme. Malgré ses difficultés pour marcher, Anne, 90 ans, aime participer aux tâches quotidiennes. Là, je mets les couverts. Quand elles sont en capacité de faire la vaisselle, de l'essuyer ou de la ranger, je les laisse faire. Il n'y a pas d'obligation. Si elles maintiennent l'autonomie, elles sont chez elles, elles se rendent utiles, elles se sentent utiles, elles savent que ça peut m'aider forcément. Elles sont contentes, tout simplement. Hormis le dimanche, Karine partage chaque repas avec ses locataires. Le matin, on se lève à 8h et puis on déjeune. Donc en général, dans nos accueils familiales, il n'y a pas de dénutrition puisqu'on mange ensemble. Quand je me fais un thé, un café, automatiquement, qui en veut, qui veut quoi, on est là, on vit ensemble. Allez, on va faire la vaisselle, on va attendre que Clémence nous appelle. Ici, pas de madame ni monsieur, tout le monde s'appelle par son prénom. C'est pas un membre de ma famille à part entière, bien évidemment, mais une grand-tante qu'on voit pas longtemps. Je pense que c'est ce sentiment-là qui reste à la fin. Un esprit de famille que les trois locataires, Sylvette, Clémence et Anne, apprécient. Un petit comité, là, j'aime bien. Hein. Je me sens dans ma maison aussi. Chacune vit sa vie. Oui, en se supportant gentiment. Des fois, on écoute de la musique. Hein. Je m'appelle Clémence, ça se passerait bien. Je fais ce que je veux, je me lève quand je veux, je suis bien de toutes les façons. Quoi. Il y a combien ? 3 ans ? 4 ans. 4 ans que je suis là. Ouh là là ! France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann. Vous venez d'entendre un reportage d'Alice Cachaner de France Inter. C'était le zoom de la rédaction dans le 7-9 du 15 novembre 2023. Reportage sur des familles d'accueil pour personnes âgées. Alors évidemment, cette maison d'accueil nous paraît tout à fait paisible, peut-être même idéale. Elle nous rappelle que La plupart d'entre nous sommes en général séparés de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents quand ils vieillissent. Vous êtes sociologue, Madame Chamaillan. J'aimerais savoir si, en fonction de tout ce que vous connaissez du vieillissement aujourd'hui, ce serait imaginable qu'on aide les familles, peut-être financièrement, à garder leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents au quotidien, chez elles, davantage. Est-ce que ce n'est pas un peu irréaliste? Oui et non. Hein, la réponse à votre question est bien plus complexe que ça. Ce qui ressort des travaux assez récents en sociologie de la vieillesse et du vieillissement actuellement, c'est l'observation de situations de cohabitation hein, qui se révèlent au fil des expériences d'avancée dans cette vieillesse entre guillemets dépendante. Ces situations, elles s'imposent un petit peu aux familles. C'est des situations de semi-cohabitation. Le plus souvent, hein, les personnes arrivent chez leurs enfants qui les accompagnent dans cette période de la vie. Ou inversement, hein, les enfants pénètrent le domicile des parents, souvent parce qu'ils résident pas très loin et vivent ensemble. Donc ces situations de cohabitation, elles se développent, elles se déploient après une période où finalement chacun devait vivre chez soi. Hein, le domicile était ce domicile dédié à la famille nucléaire, les parents avec les enfants, et puis il y avait une séparation comme ça hein, des oui. familles. Aujourd'hui, c'est un peu différent quand même. Les choses commencent à évoluer du fait de l'allongement de la vie et de cet accompagnement parce que on est quand même dans une société qui est fondamentalement attachée au fait de vieillir chez soi. Et dans votre oui. reportage, on entend bien, on est un peu comme à la maison. Et c'est quelque chose, c'est une valeur qui devient fondamentale, je crois, dans cette expérience de l'avancée en âge. Le problème qu'on peut quand même imaginer, c'est que lorsque ces personnes âgées chez soi, qui sont nos parents, nos grands-parents, peut-être même un jour nos arrière-grands-parents, ont besoin d'aide concrète, à un moment donné, elles chutent, ou elles ont besoin d'aller aux toilettes, d'être aidées, d'être nettoyées. C'est pas facile. Il y a une intimité du corps, ce sont justement des membres de notre famille. Je voudrais qu'on ose affronter ces difficultés, quoi, qu'on se raconte pas des histoires. C'est pas simple. Là, je parle du corps et puis après, je parlerai des rapports, des relations et peut-être des problèmes psychiques que ça pose d'avoir sans arrêt le regard de ses parents, grands-parents sur notre vie d'aujourd'hui. Mais parlons de cette intimité du corps, s'occuper soi-même de ses proches, parents, grands-parents, arrière-grands-parents. C'est pas facile dans la société moderne et il y a peut-être des raisons à cela, Aline Chamaillan. Alors, votre réaction, elle me fait réagir. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas déployer qu'une vision déficitaire de l'avancée en âge et du vieillissement. Oui. C'est ce qu'on fait de plus en plus. C'est ce qui fait aussi que cet âge de la vieillesse, il est dénié, il est refoulé, il est mis à distance. On est dans une société qui a cloisonné les âges. On a construit un âge de la vieillesse. Ce n'est pas le cas de toutes les sociétés. Mmh. Bien au contraire, il existe des sociétés. Je pense à une société qu'avait étudié Bernard Arcan. En Colombie, qui n'avait pas institutionnalisé d'âge de la vieillesse, oui. Les Cuiva. On a institutionnalisé cet âge de la vieillesse et de ce fait, on a cloisonné les âges et on a mis, d'une certaine façon, à distance cet âge qui pose problème dans une société qui incarne d'autres valeurs. Alors, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que avant d'arriver à ce portrait que vous dépeignez hein, d'une vieillesse littéralement dépendante où les proches doivent entrer dans une intimité, il se passe beaucoup d'autres choses qui ça, nécessitent d'être aussi exprimées et je dirais que c'est notre rôle et peut-être notre mission aussi de spécialiste des questions du vieillissement d'en parler parce que ce qui fait que toute cette réalité de la vieillesse dépendante entre guillemets, sera abordé, je dirais peut-être plus sereinement, apprivoisé des deux parts d'ailleurs, de la part des personnes âgées elles-mêmes, mais aussi de leurs proches, eh bien c'est que cet être ensemble et ce vivre ensemble aura été apprivoisé dès le plus jeune âge. Donc, personnellement, donc vous me répondez que Vous ne répondez pas sur la difficulté, mais vous me dites que c'est possible, qu'il faudrait y travailler, qu'il faudrait réfléchir. Vous me parlez de vivre ensemble, etc. Et je suis la première à, non seulement à entendre, mais à essayer de penser ce que vous dites. Et je vous remercie de le dire. Mais je suis désolée, là, avec philosophie, c'est aussi affronter les problèmes. Alors, on va parler des Grecs anciens qui fréquentaient leurs âgés au quotidien et qui avaient une autre conception de la vieillesse, Véronique Boudon-Milo. Mais parlons juste un instant d'aujourd'hui. C'est vrai pour un individu moderne d'avoir au quotidien, très longtemps dans sa vie, un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent, qui, bien avant d'être dépendant, parle, il y a du lien social, on se supporte gentiment, disait la dame dans le reportage, mais ça peut être dur, ça, quand même, ce regard, ces commentaires. C'est pas facile. Je veux dire, j'ai pas envie qu'on raconte que le vivre ensemble, c'est simple, il suffit de dire le mot, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, Véronique Boudon-Milo, et je parle même pas, puisqu'on a un tout petit peu évoqué du rapport au corps, même quand ils sont pas dépendants, les personnes âgées ont des moments difficiles. C'est difficile, quoi. Oui, c'est difficile parce qu'on pose un regard sur la société contemporaine qui n'est pas du tout celui que les Grecs, évidemment, vivaient et posaient sur l'organisation de la société. La cellule familiale dans l'Antiquité, c'est l'oikos, c'est le domaine. Et dans ce domaine très vaste, il y a plusieurs générations qui se côtoient, oui, depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Donc il faut gérer, si j'allais dire, aussi bien les petits que les plus âgés. Surtout, il y a des gens, je crois, quand même, qui gèrent plus que d'autres, n'est-ce pas? Il y a des esclaves. Oui, mais on est dans une société où, oui, il y a des serviteurs, bon, on peut dire esclaves, mais des serviteurs qui vont être aussi pris en charge par cet oikos. Mmh. Donc il y a un système d'échange qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Et cette idée qu'on ne prend pas davantage en charge les gens âgés que les gens plus jeunes, comme le disait Platon, le vieillard est deux fois enfant quand il a la chance de parvenir à la vieillesse. Oui. Parce que la vieillesse, c'est encore le meilleur moyen de vivre longtemps. Et les Grecs l'avaient bien compris. Et seulement 6% de la population arrivait, ce sont des estimations naturellement, à l'âge de 60 ans et au-delà. Et donc, la vieillesse était une chance. Et le poids démographique de ces personnes âgées n'était pas du tout comparable à celui que nos sociétés contemporaines doivent aujourd'hui porter. En général, la grande majorité mourait avant 60 ans, c'est ça? C'est ce que j'ai bien compris. On peut le chiffre. Dire comme ça, absolument. Oui. En réalité, il mourait dès l'enfance. Oui, c'est la mortalité. Et les premières, voilà. Oui. La mortalité, elle est infantile. Donc c'est quoi, quand même, un vieux pour les Grecs? Alors, un vieux pour les Grecs, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'il y a une fluidité, effectivement. Il n'y a pas cette barrière des âges. Qu'est-ce qu'un vieux? Les Grecs, les philosophes, les médecins n'ont cessé de se le demander. Et même les médecins qui étaient au contact de ces corps vieillissants n'ont pas eu de réponse univoque. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut avoir être moins âgé et être en fait plus vieux compte tenu de son état, parce qu'il y avait quand même toute une clinique grecque. Oui, tout à fait. On va en parler, les humeurs, il y avait des humeurs dans le corps selon leur organisation. Bon, que ce soit les médecins ou les proches, certains trouvaient qu'une personne était plus vieille qu'une autre, alors même qu'elle pouvait être moins âgée. Oui, et la grande difficulté qu'on oublie aussi, c'est qu'il n'y avait pas d'état civil et que beaucoup de personnes ne savaient, oui, pas leur âge. Donc en réalité, c'était l'apparence. Et la vieillesse, comme c'est une apparence, et comme les médecins n'ont cessé de penser la vieillesse comme une apparence, ce qui est très fructueux comme pensée. Parce que si c'est une apparence, eh bien, vous pouvez vous en défaire. Vous pouvez finalement ne pas désigner comme vieux celui qui aurait les cheveux blancs, celui, oui, qui aurait des rides. Et finalement, ils ont échoué à donner un portrait, là aussi, univoque de la vieillesse, pour dire que la vieillesse, c'était le moment où on ne pouvait plus vaquer à ses occupations quotidiennes. Oui. Voilà ce que c'est la vieillesse, quand on ne peut plus vaquer à ses occupations quotidiennes. Et avec ça, on peut se débrouiller de façon très différente d'un individu à l'autre. Et donc, on ne se sent pas assigné à un groupe, à une catégorie. On n'est pas, à partir, oui, d'un certain âge, mis à la retraite. Ou... On les met dans les maisons et on s'occupe d'eux, d'autant qu'il y a beaucoup de personnel et les femmes aussi donc, qui s'occupent de la domesticité. C'est quand même un monde singulier qui n'a rien à voir avec le nôtre, où les femmes sont un peu sorties de la maison, enfin, et où nous n'avons pas autant de personnel et certainement pas des esclaves. Pierre-Henri Tavoyot, c'est vrai qu'on se dit pourquoi est-ce qu'on délègue à d'autres le soin de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents? Pourquoi ne vivons-nous pas plus avec eux? Le problème de la perte du lien avec eux est un vrai sujet. En plus, ça leur ferait du bien pour les discussions, pour être entretenus, dans une, être stimulés. Mais on voit bien quand même les raisons pour lesquelles c'est dur de vivre avec eux. C'est dur de dire aux gens, bah, vous n'avez qu'à les prendre à la maison. C'est très compliqué pour des individus. C'est pas l'expérience la plus commune, en l'occurrence. Mais je pense qu'il faut vraiment la prendre un peu de recul. C'est-à-dire, il y a deux grands types de civilisations dans l'histoire de l'humanité. C'est ce qu'on peut appeler les civilisations traditionnelles. Ce qui caractérise par deux éléments. Premier élément, le rapport au temps. Civilisation traditionnelle, c'est considérer que le passé, c'est mieux que l'avenir. Et c'est mieux que le présent. Donc, dans ces sociétés, il est normal de vieillir. Le vieux, c'est celui qui se rapproche de la source du sens, ses grands ancêtres qui nous ont tout donné. Et donc, en ce sens, effectivement, vieillir a du sens. Oui. Deuxième caractéristique de ces sociétés traditionnelles, elles sont communautaires, communautaristes. L'individu holiste, comme dit Louis Dumont, c'est-à-dire le tout prime la partie. Et donc, dans ces sociétés, il est à la fois normal de vieillir et normal de vieillir en famille, dans le clan, c'est tout à fait. Nous sommes dans des sociétés modernes, c'est-à-dire pour nous, l'avenir représente la source du sens, c'est pour ça que les jeunes et les enfants sont valorisés, et des sociétés individualistes, l'individu compte plus que la société. Et donc le rapport au vieillissement a totalement basculé de ce point de vue-là, entre ces sociétés traditionnelles. On parle de sociétés ici ou là, mais vous voyez, dans une société traditionnelle, il y a effectivement une fluidité qui est marquée par les rites de passage. Le discours consiste à dire « ta vie a été vécue des milliards de fois, ne cherche pas à être original ». Voilà comment se passe un parcours de l'existence du berceau à la tombe. Il y a des rites qui vont t'accompagner. On va te prévenir et de façon dont ça se passe. Et il y a un rite de passage pour entrer dans la jeunesse, un rite de passage pour entrer dans l'âge adulte, un rite de passage pour entrer dans la vieillesse et un rite de passage pour entrer dans la mort, qui est un rite de passage comme un autre, à vrai dire. Et donc, on voit bien que dans ces sociétés, le rapport au temps et à la communauté est tout à fait différent. Donc, alors, juste ma question à ce moment-là. La philosophie des âges de la vie, c'est le titre de votre livre. Comment peut-être cette philosophie pour des modernes? Parce que pour les anciens, on voit bien les sociétés communautaires, clans. Au passage, on peut quand même s'interroger de savoir si les vieux étaient si bien. Hein. Non, bien sûr. Je veux dire, parce qu'à un moment, les vieux dans une maison, il n'y a pas de regard particulièrement médical sur eux. Ils peuvent faire aussi un peu pot de fleurs. Hein. Excusez-moi, je veux quand même clair, aussi... Je pense que mais pour nous aujourd'hui, comment on fait? Non, mais c'est important de montrer. Il ne faut pas avoir de vision idyllique dans un sens ou dans un autre. On peut avoir l'idée que dans les sociétés traditionnelles, c'était formidable et les vieux étaient très bien accueillis, comme on le dit dans les sociétés. C'est pas le cas. Pierre Clastre, dans son livre sur les Indiens Guayaki, raconte comment il y a une tribu, quand les vieux sont vraiment trop vieux et ne peuvent plus marcher, eh bien on leur fracasse la tête. C'est tout simple. Donc là-dessus, n'ayons pas une vision... Ne mythifions pas le passé. Les sociétés contemporaines, paradoxalement, on peut être extrêmement critique en disant vieillir n'a aucun sens, c'est un naufrage, et puis effectivement, ces EHPAD sont catastrophiques. C'est quand même la civilisation qui a tout fait pour faire notre civilisation, pour faire durer les vieux et rendre la vieillesse le plus confortable possible. Donc votre philosophie des âges de la vieillesse aujourd'hui, dans les sociétés occidentales modernes, quelle est-elle? Le bien vieillir, aujourd'hui, on dit souvent, c'est rester jeune et rester en bonne santé. Bon, voilà, c'est déraisonnable. Si, je suis désolé, je réponds à votre question. Mais si on n'est plus jeune et plus en bonne santé, comment... Je réponds à votre question, mais laissez-moi argumenter. Oui. Bien vieillir, dit-on souvent, c'est rester jeune et rester en bonne santé. C'est pas possible. Quand on est vieux, on n'est pas jeune et en général, on n'est pas en bonne santé. Pour moi, la philosophie du vieillissement, et je réponds à votre question, c'est rester adulte et rester en lien. Alors, le lien, il peut pas être, en effet, un lien dans une maison individuelle. Parce que, de toute façon, c'est pas l'expérience de la cohabitation. Mais ce qu'on doit protéger aujourd'hui, c'est pas la jeunesse ou c'est pas forcément la bonne santé qui est le prioritaire. C'est vraiment cette idée d'être en lien. L'autonomie, c'est bien. Mais l'autonomie, si on est tout seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et donc, c'est ce lien qui doit être aujourd'hui, me semble-t-il, le sens des politiques et de la philosophie des âges de la vie, du vieillissement. Garder ce lien. La vieillesse solitaire est la vieillesse qui est la plus abominable qui soit. garder le lien. Comment vous vivez, vous regardez plus exactement comme sociologue Aline Chamaillan, les expériences bonnes, ce qui marche, c'est-à-dire des familles où, même si on ne cohabite pas avec parents, grands-parents, arrière-grands-parents, le lien est vivant, sain, fréquent. Ce sont des familles riches, ce sont des familles qui peuvent s'offrir un EHPAD de luxe, qui peuvent rendre visite parce que les métiers des uns et des autres le permettent aisément, parce que les week-ends connaissent des plages permettant ces visites. Ce sont les privilégiés aujourd'hui qui peuvent garder le lien avec les générations au-dessus. Non, je pense que la question du lien, elle est fondamentale. Je pense surtout qu'on vieillit en famille comme on a vécu en famille, en fait. Rien ne change véritablement à l'heure de la vieillesse en tant que telle. Tout ça se joue dans une histoire de vie, une histoire familiale. La teneur des liens, elle se construit à l'intérieur de ce réseau familial et des histoires individuelles qui s'y déploient. Si vous êtes dans une famille issue des milieux populaire, les travaux ont montré quand même que les liens sont très très forts, les attachements aussi, parce qu'ils constituent des supports pour faire face à toutes les difficultés qui peuvent arriver. Dans les familles, je dirais, davantage dotées, ces liens prennent une teneur certainement un peu différente, peut-être plus à distance dans les échanges, parce que les mobilités sont certainement aussi plus grandes. Mais peut-être que cette question des liens, qui évoquait d'ailleurs Pierre-Henri Tavoyot, elle est importante aussi au-delà de la famille, elle est importante dans l'espace public, en fait. Travailler cette question des âges et de la façon dont ils se lient doit sortir du seul cercle familial. On doit aller voir ce qui se passe ailleurs, dans l'espace public aussi. Tout à l'heure, je disais qu'on est dans une société qui a tendance à cloisonner les âges, et si on observe un petit peu ce qui se passe, les espaces aussi sont cloisonnés au regard des âges. J'ai travaillé sur l'université, le monde universitaire et sa capacité à s'ouvrir à tous les âges. L'institution comme une institution inclusive du point de vue de l'âge. C'est pas si évident que ça, en fait, lorsqu'on est un retraité et que l'on souhaite reprendre des études à l'université. C'est pas si évident que ça de franchir le seuil de l'université comme étudiant à la retraite. Les regards font que finalement, on se dit, est-ce que je suis à ma place ici? Et puis, lorsque la démarche s'engage, les liens, puisque c'était la question que vous me posiez de ces liens positifs, les liens se construisent, les liens se nouent, et la jeunesse apporte, entre guillemets, à la vieillesse et inversement. Là, on a vraiment des éléments qui donnent à voir que on doit dépasser ces clivages en réalité. Alors, je crois qu'on sait bien, là, tous ici, beaucoup de gens savent très bien ce qui les révulse, ce qu'on voudrait changer dans nos sociétés aujourd'hui, dans le traitement des personnes âgées, dans la rupture des liens malheureusement fréquentes entre les jeunes générations et les plus âgés. Nous avons plus de mal à dire comment améliorer, comment cultiver les liens sans difficultés concrètes, parce que voilà, il y a des problèmes de temps, tout le monde travaille, il y a aussi des problèmes relationnels, souvent, entre les générations. Alors, savoir ce qui nous révulse, il y avait une philosophe qui en parlait extrêmement bien, c'est Simone de Beauvoir, parlant de la vieillesse, écoutez-la en février 1970 sur Radio-Canada. Du fait qu'un homme âgé n'a plus les mêmes possibilités de fatigue et de travail, il est mis à la retraite généralement, ou il s'y met de lui-même. Donc vieillir, c'est aussi cesser de travailler. Ce qui est un bien pour certains, parce que ça leur permet d'avoir des loisirs, mais ce qui est un affreux malheur pour la plus grosse majorité, parce que l'absence de travail, ça suppose une chute du niveau de vie terrifiante, étant donné que les pensions sont extrêmement insuffisantes. Vous avez écrit cet essai sur la vieillesse, Simone de Beauvoir, pour lutter contre la société qui considère les vieillards comme des parias, c'est cela? Oui, en grande partie, c'est-à-dire qu'elle les considère, elle ne le dit pas, mais elle les traite comme des parias. À la contraire des mythes dans lesquels le vieillard apparaît comme un sage, comme quelqu'un de plein d'expérience, de vénérable, de respectable, mais en réalité elle les traite comme les parias, c'est-à-dire qu'en effet elle les empêche de travailler, ce qui serait un bien si elle leur donnait des moyens de vivre décents. Mais elle ne leur donne pas du tout, et il y a une quantité d'indigents qui sont des vieillards, de vieillards qui sont des indigents. On ne fait vraiment, sauf dans une quantité infime, mais dans l'ensemble, on ne fait vraiment rien pour permettre aux vieillards, une fois qu'ils sont dans les hospices, dans les asiles, dans les maisons de retraite, leur permettre de s'occuper, de se réunir et de peupler ces loisirs dont on leur fait cadeau, et un cadeau qui est bien souvent un cadeau empoisonné. Nous nous demandons ce matin comment vieillir en Occident. Savons-nous encore vieillir, nous, occidentaux modernes? Et là, vous venez d'entendre la critique assez connue de Simone de Beauvoir de cette vieillesse où nous fabriquons des parias, alors même que parfois il s'agit de personnes âgées qui sont encore relativement en forme, mais qu'on sort de la société, notamment du monde du travail et du monde de tous ces liens dont me parlent les invités d'aujourd'hui depuis le début de l'émission, Véronique Boudon-Milot, Aline Chamaillan et Pierre-Henri Tavoyot. Véronique Boudon-Milot, vous êtes spécialiste de la vieillesse chez les Grecs anciens. Vous avez fait un livre admirable sur ce sujet. Est-ce que chez eux, les personnes âgées étaient perçues comme utiles? Qu'est-ce qu'on leur faisait faire? Étaient-elles précieuses? Évitaient-elles justement cette situation de paria évoquée par Simone de Beauvoir? Bien, je renverserai la question en demandant est-ce que la personne âgée se sentait utile? Non pas le regard qu'on pose sur elle, mais le regard qu'elle renvoyait. Et regardez, Platon, la République. Sur quelle scène s'ouvre la République? Une rencontre chez Céphale, qui certes ne peut plus marcher, n'a pas pu se rendre au Pirée, mais donc c'est Socrate et ses amis qui est venu chez lui. Et qu'est-ce qu'on fait? On parle. Dans cette civilisation de l'oralité, on peut se rendre sur l'agora, plus tard on se rendra sur le forum. Et ce qui est important, c'est de pouvoir circuler, de rencontrer les autres, qu'il y ait dans l'espace public des endroits où on puisse échanger. Donc ils sortaient de la maison, donc, de la oikia, sinon on venait la maisonner. Sinon on venait les voir. Et il y a cette idée très importante pour la médecine antique, qu'on ne peut pas prendre en charge uniquement la santé ou le soin du corps sans s'intéresser à ce que les Grecs appelaient l'âme, dans la mesure où, comme le dit très bien Galien, que les facultés, que les mœurs de l'âme suivent les facultés du corps. Donc, il faut prendre en charge les deux, parce qu'un esprit qui va bien, c'est un corps qui va bien, et réciproquement. Donc, échange intellectuel, échange politique et échange familial, c'est ça que vous dites. Familial, intellectuel, politique, pour être inclus, inscrit dans la vie de la cité et continuer à avoir sa parole, son opinion, son avis sur les choses de la cité. Un mot sur, quand même plus précis sur le corps, la théorie des humeurs chez les médecins grecs, Hippocrate puis Galien que vous venez de citer. Donc Hippocrate, c'est en gros fin du 5e siècle, tout début du 4e avant Jésus-Christ, et Galien, Claude Galien, c'est deuxième. Voilà, merci. L'époque romaine. Il est né en 129 et mort en 201. Tous les deux croyaient qu'il y avait quatre humeurs dans le corps, le sang, le phlegme, la bile jaune, la bile noire. Bon, si je comprends bien ce que vous avez écrit, dans notre vie, nous connaissons des étapes. Au début, nous sommes souvent très chauds et très secs. C'est vraiment ce qui... Nous allons vers l'été de l'âge. On est plutôt humide. Humide, quand on est plutôt humide. Mais on se dessèche en vieillissant. Mais la vigueur de l'âge, c'est chaud et sec. Et puis après, ça devient de plus en plus froid. Alors là, ils ne sont pas tous d'accord. Ouais. Est-ce que c'est froid et sec chez les vieux? Puis est-ce que ça redevient humide dans le très, très, très grand âge? Même s'il ne parle pas d'âge. D'accord. Mais concrètement, est-ce qu'on s'occupait d'eux quand ils allaient mal? Est-ce qu'il y avait de la souffrance? La gérocomia, c'est-à-dire ce qui faisait office de gériatrie pour nous et de gérontologie, mais justement, coméo, c'est prendre soin. Bon, c'était une thérapeutique, mais on les soulageait. Enfin, vous êtes sûr de votre coup, si je puis dire? Alors, il y a déjà, au départ, l'idée que tout ce qui est généré est soumis au vieillissement. Ça, c'est indiscutable. C'est une loi du monde, du cosmos, comme du microcosmos. C'est-à-dire du petit monde qu'est le corps humain, qui ne fait que refléter l'ordre du grand monde qu'est le cosmos. Donc, il y a ce mélange, oui, des quatre humeurs, mais on peut laisser ça de côté assez vite. Et simplement, les Grecs, qui n'avaient pas tous nos appareils, nos scanners, nos thermomètres, etc., étaient en revanche d'excellents observateurs et avaient vu que le cadavre était froid. Et donc, vieillesse... Le cadavre, c'est moins dur la clinique quand même. Et donc, la vieillesse, c'est un refroidissement. Bon, cela une fois posé, on va essayer de lutter contre ce refroidissement. Et donc, j'en viens tout de suite et très vite aux soins qui vont être proposés. Mais avant cela, il y a l'idée que... La vieillesse n'est pas une maladie, ne réclame pas une thérapeutique particulière dans la mesure où les maladies qui existent peu ou prou dans la vieillesse sont les mêmes que celles qui peuvent exister à d'autres âges, mais avec des caractéristiques différentes liées à ce refroidissement, à ce dessèchement ou à cette... Pourquoi les Grecs pensaient-ils, si je vous ai lu correctement encore une fois, que les femmes vieillissaient plus vite que les hommes ? Ben, ça tient à leur tempérament, qu'elles perdent du sang, donc elles se dessèchent plus rapidement. Et aussi, alors ça, je vous laisserai juger de la pertinence de la réflexion, qu'elles ont été formées in utero plus rapidement que les hommes. Donc évidemment, bon, même si les Grecs ne le disaient pas comme ça, elles sortent de la côte d'Adam. Donc elles sont un petit peu... On s'occupait bien d'elles, autant que des hommes. Un succès d'années d'hommes. On les trouvait aussi utiles à la société que les hommes, ou bien... Quand il s'agissait de donner la vie, oui. Non, je parle des vieilles, dames. Alors les vieilles sont objets de moquerie dans la comédie. Aristophane se moque par exemple de l'attrait pour les vieilles femmes, pour le vin, ce sont de vieilles pochardes dont on se moque facilement. C'est sympathique, c'est de votre âge idéal et moins libidineuses aussi, qui peuvent regarder avec un peu trop d'acuité et de désir les beaux jeunes gens qui passent à proximité. Mais en général, on a aussi des femmes médecins. On a aussi des femmes, par exemple, qui exercent la maïeutique, qui vont être là pour aider à l'accouchement. Et ce sont les vieilles femmes qui vont venir aider à l'accouchement parce qu'elles ont cette expérience. Donc, comme toujours et dans toutes les sociétés, il y a des visions très ambivalentes et puis qui reflètent au niveau de la vieillesse, ce qu'est la vision de la femme depuis sa jeunesse et son enfance, c'est-à-dire quand même une place de second rang, évidemment. Vous voyez, Pierre-Henri de Tavoyau, je me demande si le drame de la vieillesse, je suis désolée, je parle comme une moderne, mais n'était pas là déjà, présent pour les Grecs. Bien sûr, bien sûr. C'est pas si simple. Nous, on reconstruit parce qu'on a envie d'améliorer ce qui est dans nos sociétés. On a envie, comme vous le dites, d'une philosophie des âges de la vie. Mais c'est difficile. C'est difficile de dessiner, je dirais, une utopie du vieillissement. C'est vraiment difficile. Vous ne trouvez pas ? Elle n'a jamais existé, cette utopie du vieillissement. C'est-à-dire que chez les Grecs eux-mêmes, il y a un débat pour ou contre la vieillesse. Moi, je le fais démarrer avec cette fameuse le texte de Mimnerme de Colophon, qui est un poète élégiaque formidable, et qui raconte le très beau mythe de la déesse Aurore. Aurore est une déesse fabuleuse, évidemment, comme toutes les déesses, et qui a le malheur de tomber amoureuse d'un jeune et beau mortel qui s'appelle Titon. Évidemment, elle voit assez vite le problème, et donc elle s'adresse à Zeus pour demander à Titon l'immortalité. Et Zeus lui donne l'immortalité. Évidemment, Aurore s'aperçoit très vite qu'elle a oublié de demander le complètement indispensable de l'immortalité, à savoir l'éternelle jeunesse, qui fait que Titon devient assez rapidement impropre à l'usage, en tout cas l'usage que voulait en faire Aurore, et même dans une version du mythe, Titon, qui radote sans arrêt, devient une cigale. Face à ce poème, qui lance vraiment, qui est une lecture très critique de la vieillesse. D'ailleurs, le poème de Mimnerne se termine, je cite de mémoire, « Puissais-je, sans atteindre cette vieillesse, mourir en quelque façon jeune ?» Solon, à Athènes, reçoit ce poème quelque temps plus tard, et il propose de changer la fin du poème de Mimnerme de Colophon en disant « Mais pas du tout, moi j'ai 80 ans, je me sens en pleine forme relativement, et la meilleure preuve que la vieillesse n'est pas un naufrage, comme on le dira plus tard, c'est que moi-même, lorsque je mourrai, je serai regretté. » Et il propose de changer la fin du poème de Mimnerme de Colophon en disant, et c'est cette fameuse phrase qui va courir dans toute l'histoire de la philosophie, en disant « Je deviens vieux et je continue d'apprendre. » C'est-à-dire que la vieillesse n'est pas un déclin pour lui, c'est un élargissement et un approfondissement. Et ce qui est intéressant dans cette querelle, c'est que on a les deux positions, et ces deux positions sont antagonistes. On va les retrouver dans la philosophie antique, vieillir pour ou contre. Platon dit c'est une libération, Aristote dit c'est un déclin irrémédiable, et la vieillesse est quelque chose qui nous fait perdre nos facultés vitales. Le portrait du vieux dans la rhétorique d'Aristote est un portrait très critique. Et donc, ce débat, il est déjà présent. Rien de nouveau là-dessus, la vieillesse est une expérience partagée. Bon, alors vous venez de citer Solon, phrase qu'on récite de temps en temps, en effet, je deviens vieux en apprenant toujours, j'apprends, c'est ce qu'on peut faire de mieux, et finalement la vieillesse est un savoir accumulé, on pourrait en faire quelque chose, transmettre, etc. Eh bien, vous savez que Jean-Jacques Rousseau avait les doutes les plus aigus à ce propos. Et peut-être que chez lui, le drame du vieillissement est mis devant nous. Nous y sommes confrontés. Il est désespéré. Cette phrase, peut-être, est naïve. Écoutez-le dans Les rêveries du promeneur solitaire, dont la première édition date d'après la mort de Rousseau en 1782. Je deviens vieux en apprenant toujours. Solon répétait souvent ce vers dans sa vieillesse. Il a un sens dans lequel je pourrais le dire aussi dans la mienne. Mais c'est une bien triste science que celle que depuis 20 ans l'expérience m'a fait acquérir. L'ignorance est encore préférable. L'adversité, sans doute, est un grand maître, mais il fait payer cher ses leçons et souvent le profit qu'on en retire ne vaut pas le prix qu'elles ont coûté. D'ailleurs, avant qu'on ait obtenu tout cet acquis par des leçons si tardives, l'à-propos d'en user se passe. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La vieillesse est le temps de la pratiquer. L'expérience instruit toujours, je l'avoue, mais elle ne profite que pour l'espace qu'on a devant soi. Est-il temps, au moment qu'il faut mourir, d'apprendre comment on aurait dû vivre ? Nous entrons en lice à notre naissance, nous en sortons à la mort. Que sert d'apprendre à mieux conduire son char quand on est au bout de la carrière ? Il ne reste plus à penser alors que comment on en sortira. L'étude d'un vieillard, s'il en reste encore à faire, est uniquement d'apprendre à mourir. Et c'est précisément celle qu'on fait le moins à mon âge. On y pense à tout, hormis à cela. Tous les vieillards tiennent plus à la vie que les enfants, et en sortent de plus mauvaise grâce que les jeunes gens. C'est que tous leurs travaux ayant été pour cette même vie, ils voient à sa fin qu'ils ont perdu leur peine. Tous leurs soins, tous leurs biens, tous les fruits de leur laboureuse veille, ils quittent tout quand ils s'en vont. Ils n'ont songé à rien acquérir durant leur vie qu'ils pussent emporter à leur mort. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman. Texte de Rousseau dans Les rêveries du promeneur solitaire, lu par Riyad Kera de notre équipe. Texte très dur, sans merci. Que sert d'apprendre à mieux conduire son char quand on est au bout de la carrière ? Il y a une détresse du vieillissement où on a l'impression que Rousseau dit « quand on commence à savoir comment faire, eh bien c'est déjà trop tard ». Je voudrais savoir si concrètement, vous qui êtes sociologue, Aline Chamaillan, vous notez chez les personnes âgées, de tous âges d'ailleurs, parce que bon, il y a plusieurs étapes dans le vieillissement, une envie d'apprendre fraîche, vive, ou au contraire, est-ce que vous sentez plutôt un peu de cette détresse qui est, ben, je sais pas mal de choses, je veux bien encore apprendre, mais c'est terrible, c'est trop tard. Je sais que c'est un peu dur de parler ainsi, mais dans cette émission, enfin avec philosophie, on n'est pas là pour enjoliver non plus ce objet. Non, mais vous êtes un peu univoque dans votre propos. Non, j'ai dit que je vais parler de la fraîcheur. Alors parlez-moi de la fraîcheur, puisque Pierre-Henri Tavoyau me trouve univoque. Aline Chamaillan, dites-moi ce que vous voyez. Je vais vous répondre très clairement. Je crois que on a besoin d'apprendre tout au long de sa vie, et c'est pas parce que on bascule dans le regard des autres dans un âge de la vieillesse avec beaucoup de guillemets que pour autant on est désintéressé. Au contraire, on a besoin de se nourrir pour se sentir vivant. C'est pas juste enjoliver la réalité, c'est me saisir pour le coup des propos des personnes que j'ai pu rencontrer au cours de mes travaux. Des personnes à qui j'ai pu enseigner. Il y a quelques années, on a mis en place un programme expérimental de formation à l'Université de Lille pour permettre à des retraités d'apprendre à vieillir. À notre grande surprise, ce programme a amené un nombre conséquent de personnes à candidater et à s'engager dans cette démarche. Oui. Parce que apprendre, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous nourrit Il y a vraiment une rhétorique culinaire, hein, se nourrir pour pouvoir cultiver à la fois son esprit et son corps. Donc non, je dirais que on a besoin que Rousseau a tort, et je suis ravie qu'une sociologue contemporaine nous dise que Rousseau a tort, car contrairement à ce qu'a dit Pierre-Henri Tavoyau, je fais vivre le débat, mais je n'ai pas d'avis définitif. Le texte de Rousseau, il faut le compléter, parce qu'il y a un passage où il dit, je ne sais pas si comme Solon, je peux continuer d'apprendre, mais ce qui est sûr, dit-il, c'est que je finirai ma vie meilleur que je n'y suis entré. Oui. Donc, il y a la connaissance, mais il y a l'approfondissement moral. Et Rousseau défend, c'est pas une thèse forcément que je partage, mais il faut le dire, Rousseau défend l'idée que ce travail sur soi, c'est l'apprentissage, pas simplement de la science ou de la lecture, c'est aussi un travail de construction morale. Et donc, détresse, vous et donc c'est pas du tout, Rousseau n'est pas du tout le pire en matière de critique du vieillissement. Vous voulez que je vous donne le pire? Oui, le pire, c'est Nietzsche. Bah, bien sûr. Voilà. Alors je cite. Bien sûr. Aurore. Oui. Paragraphe 542. La plus extrême prudence devrait s'imposer face à la vieillesse et son jugement sur la vie, vu que la vieillesse, tout comme le soir, aime à vêtir le déguisement d'une moralité nouvelle et séduisante. Ça veut dire que pour Nietzsche, la vieillesse nous rend normatifs, jugeant les jeunes toute la journée, exactement ce qu'on ne veut pas entendre chez nos parents, grands-parents, toute la journée. Et contaminons les jeunes. C'est-à-dire, le vieux va essayer de dire je suis calme, je suis serein, je suis recueilli. En vérité, c'est de l'impuissance, c'est de la lassitude. Et j'essaye de convaincre les jeunes que c'est ça, la bonne vie. Pour Nietzsche, c'est tout à fait cohérent. C'est une philosophie vitaliste. Donc, à partir du moment où il n'y a plus de vie, où la vie décline, eh bien, c'est une philosophie, c'est une vie qui décline. Mais il y a aussi Aristote, à certains égards. Aristote reprend une métaphore grecque, enfin, alors, selon le laquelle la vie est comme un arc. C'est en grec archaïque, bios, c'est l'arc. La vie, bios, est un arc. Et pour Aristote, c'est très clair. La vie a un sommet, c'est 35 ans pour le corps, 49 ans environ, j'aime bien le environ, pour l'esprit. Tout ça sont des chiffres qui ont du sens dans la philosophie grecque. En tout cas, ces chiffres sont les climactérites, comme on appelle. Mais voilà, il y a... Et après, c'est le déclin irrémédiable. Donc, vous avez ici des philosophies extrêmement critiques à l'égard de la vieillesse. Et Rousseau, de ce point de vue-là, est beaucoup plus... Pourquoi ? Angoissé, vous diriez ? Non, c'est pas... Alors, chez Aristote, il n'y a aucune angoisse. Mais non, je parle de Nietzsche, chez Rousseau. Oui, le mot chez Aristote est marasmos. Et marasmos. Mais en réalité, Marantzis, c'est une réalité physiologique qu'il y a derrière cela. C'est qu'effectivement, il y a une puissance de vie, pour reprendre un texte un peu, enfin un terme un peu nietzschéen, qui va déclinant. Mais ce qui est important, c'est que à côté de cela, s'il y a déclin du corps, il y a toujours vitalité possible intellectuelle, et d'où l'importance d'échanger et de lire et de toujours s'enrichir. Enfin, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si on veut réfléchir à la vieillesse aujourd'hui, il ne faut pas trop aller chez les modernes, pas trop chez Rousseau, pas trop chez Nietzsche, et il vaut bien mieux faire ce que vous faites, Véronique Boudot-Milo, qui est d'aller retrouver une certaine sagesse grecque ancienne, même s'il ne faut pas non plus complètement l'enjoliver, c'était pas si simple le domestique chez les Grecs. Il y a quelqu'un qui nous y incite aujourd'hui, c'est Laure Adler, qui a publié sur cette question, sans se voiler la face, en affrontant, comme le disait Simone de Beauvoir, la dureté de la vieillesse, surtout pour les femmes d'ailleurs. Écoutez-la Laure Adler, dans le 7-9 de France Inter, en septembre 2020. Dans d'autres civilisations que la nôtre, la vieillesse est un supplément, la vieillesse est une possibilité de transmission de connaissances, la vieillesse est une possibilité de s'occuper des autres, la vieillesse est une altitude, la vieillesse est un désencombrement de soi-même, des vanités qui nous ont occupés pendant extrêmement longtemps, la vieillesse est une possibilité aussi de vivre intensément le bonheur quotidien, que ça soit de se réveiller comme ce matin, que ça soit de marcher le long de la Seine comme tout à l'heure, que ce soit d'entreapercevoir le bleu du ciel. Il y a une espèce de rapport direct à la vie. Et d'autre part, il y a beaucoup moins de carapace à l'intérieur de soi et de désir d'être regardé par les autres comme existant sur l'échiquier social. Donc cette espèce de... On s'en fout en fait, c'est ça, on s'en fout plus de son image. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'on a perdu beaucoup de temps à faire des choses qui étaient totalement inutiles et finalement qu'on n'a pas passé assez de temps pour faire des choses qui nous faisaient plaisir. Et dans les choses qui nous font plaisir, il y a beaucoup de choses intérieures qui sont extrêmement faciles à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont de s'occuper des autres. S'occuper des autres, ça donne un plaisir extraordinaire. Dans la sociologie du vieillissement que vous pratiquez, Aline Chamaillan, est-ce que vous observez cette envie de s'occuper des autres au moment même où il faut, parce qu'on vieillit, s'occuper de soi ? Oui, bien sûr. Ce que je retiens de ce que dit Laura Adler, c'est être existant sur l'échiquier social. Je rebondis, excusez-moi, mais ça me paraît vraiment important. Oui, c'est important ce qu'elle dit là, oui. Bien sûr. C'est très important, oui, parce que précisément, quand on est sur cette pente déclinante, hein, c'est aussi une représentation très claire de nos sociétés occidentales, hein, cette vision sinusoïdale. Hein, on grandit, on arrive à l'âge adulte et puis ensuite, on ne fait que décliner. C'est une représentation stéréotypée, mais qui est très prégnante et qui fait qu'en fait, on n'est plus existant. On n'a plus de parole, on donne plus d'attention à cette parole, d'ailleurs. Et ça me paraît être majeur. Alors oui, bien sûr que de plus en plus d'ailleurs, hein, dans ces sociétés de longévité, on se retrouve à la fois dans un processus de vieillissement, en situation de devoir s'occuper de soi-même et de s'occuper de ses proches. Claudine Attias-Donfus avait caractérisé cette situation à travers le concept de génération sandwich. Hein, c'est ces personnes qui doivent à la fois s'occuper de jeunes enfants, s'occuper de parents plus âgés et en même temps prendre en main leur propre expérience de l'avancée en âge. Là aussi, les personnes ont besoin d'apprivoiser cette réalité. Hein. Et les femmes et les hommes ont-elles le même rapport à ce soin qu'il faut s'accorder à soi-même et conjointement à ce soin qu'on peut envisager à ce moment-là, parce qu'on a plus de temps, d'apporter aux autres? Ouais. Non, je vous demande, c'est pareil pour les hommes et les femmes? Bien sûr. Non, ce n'est pas pareil. C'est-à-dire On a souvent, de façon encore une fois très stéréotypée, considéré que l'homme était tourné vers la cité et la femme vers la sphère privée. Et on a comme ça travaillé fortement les inégalités genrées dans ces processus aussi d'avancée en âge. Dans la littérature, on trouve des choses assez intéressantes qui montrent que les femmes, en fait, elles sont moins dans le déni de leur vulnérabilité. Elles ajustent en fait leurs pratiques. Elles anticipent la baisse éventuellement des capacités. Elles s'adaptent en fait à différentes formes de fragilité parce que précisément, tout au long de leur trajectoire de femme, elles ont été dans la relation à l'autre, dans le soin, dans l'accompagnement, au sein de cette sphère privée d'ailleurs, bien différemment que les hommes par ailleurs. Et de ce fait, en réalité, je dirais qu'elles sont presque mieux armées pour faire face à cette réalité de la vieillesse, qui est une réalité profondément féminine au final. Je pense aux travaux de Frédéric Ballard qui fait cette distinction entre l'homme chêne, c'est-à-dire qui résiste le plus longtemps possible à la vieillesse, mais qui va casser d'un coup lorsqu'elle advient, et puis la femme roseau, dit-il, qui est bien plus malléable, qui se plie aux limitations fonctionnelles de l'âge, qui va davantage apprivoiser ce vieillissement. Bon, alors excusez-moi, je vais encore mettre un grain de sable dans la machine, parce que je crois que c'est ça le questionnement quoi philosophique. Il y a quand même le risque d'un enfermement, malgré tout ce que vous dites qui est très beau et que vous mettez d'ailleurs surtout du côté des femmes, l'envie de s'occuper de soi et des autres. Hervé Guibert, vous évoquez la littérature, et bien je vous donne un autre exemple. Hervé Guibert, vous allez me dire, c'est un homme, a écrit un roman photo en 1980, Suzanne et Louise, et c'est terrifiant. Il parle de deux femmes qui sont complètement refermées sur elles-mêmes. Écoutez. Louise et Suzanne, deux vieilles femmes seules, recluses, deux sœurs. Petites, grises et courbées pour celui qui les croise dans la rue, banales. Deux femmes qui vivent depuis plus de 40 ans dans un hôtel particulier du 15e arrondissement. C'est Suzanne, la plus âgée, qui a l'argent. Louise, sa sœur, l'ancienne carmélite, lui sert de bonne, humble et tyrannique. Suzanne débite le récit de la mesquinerie, du souvenir, de la souffrance. Elle dit « Je n'ai jamais aimé que moi ». Elle dit aussi qu'elle n'a jamais pleuré et jamais su sourire, qu'elle n'a jamais dansé. Louise débite l'ivresse, l'assaise, la mort. Depuis la vente de la pharmacie, personne ne vient plus les voir. Sauf leur petit-neveu. Il écrit une pièce sur elles. Lorsqu'elles sont seules, elles ne se parlent pas. Louise, à table, lit des feuilletons. Tandis que Suzanne écoute à la radio le jeu des 20 millions cash. Elles ne se parlent pas. Sauf quand il vient les voir chaque dimanche. Elles ne lui posent pas de questions sur sa vie ou son travail, mais font passer leurs paroles à travers lui. Elles se jouent, pour lui, la comédie de leur rapport. Elles le séduisent, elles sont jalouses. Il se tait et les écoute. Elles sont étonnées de l'intérêt qu'il leur porte, flattées, amoureuses. Suzanne lui dit « Si tu venais nous voir au soir, on te prendrait pour mon chéri ». Elle se doute qu'il écrit quelque chose sur elle, alors elle parle sans retenue, presque de façon outrée. Plus rien à perdre. Alors, c'est terrible, c'est nietzschéen sans doute, une espèce de vision de la vieillesse, masculine ou féminine, comme une perte de la curiosité. C'est évidemment contre cela que vous luttez avec force, Véronique Boudon-Milo, en allant chercher chez les Grecs des ressources pour penser le vieillir autrement. Écoutez, aux antipodes de cette vision, qui est celle d'un enfermement, même un enfermement à deux, mais un enfermement, il y a l'image de la vieillesse comme libération. Et c'est Céphale, je reviens à Céphale, au début de la République, oui, qui dit, mais qu'est-ce que c'est agréable finalement de vieillir, parce qu'on retrouve une liberté de parole, et puis on est débarrassé de tous ces désirs, y compris amoureux. Eh bien, c'est très agréable la vieillesse, parce que c'est finalement la liberté. Pensez la même chose, Pierre-Henri Tavoyau. Je serais plus nuancé en disant qu'en fait, l'intérêt d'un regard philosophique sur la vieillesse, c'est d'avoir, dans ce débat vieillir pour ou contre, des positions exactement équivalentes. Pour Platon ou Cicéron, c'est une libération. Pour Aristote, c'est un déclin irrémédiable. Pour Nietzsche, c'est un masque hideux de l'hypocrisie et de la sagesse sénile. Pour Rousseau, c'est une quête intérieure. Et donc, on a là toute une série de palettes, de couleurs oui, distinctes. Et ce qui est ça qui intéresse, c'est que la querelle de la vieillesse philosophique a eu lieu et qu'aujourd'hui toutes les munitions sont sur la table et qu'il faut qu'on fasse nous autres modernes dans un contexte un peu différent où il faut quand même rappeler que notre civilisation démocratique est aussi la civilisation qui certes n'aime pas la vieillesse mais adore les personnes. Et donc les personnes âgées sont certes dévalorisées en tant qu'âgées mais aussi reconnues en tant que personnes et d'ailleurs la meilleure preuve c'est qu'on essaye de les faire durer le plus longtemps que possible. On a une augmentation de l'espérance de vie. Et donc c'est cette philosophie globale de la vieillesse qui est aujourd'hui sous nos yeux et qu'on doit examiner et on ne doit pas prendre probablement dans notre existence personnelle nous aurons toutes ces expériences. Naufrage, Savérotonal et plein d'autres choses. Merci pour cette conclusion. Je voudrais pas crever avant d'avoir connu les chiens noirs du Mexique qui dorment sans rêver, les singes à cul nus, dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent ou ni truffées de bulles. Je voudrais pas crever sans savoir si la lune, sous son faux air de thune, a un côté pointu, si le soleil est froid, si les quatre saisons ne sont vraiment que quatre. Sans avoir essayé de porter une robe sur le grand boulevard, sans avoir regardé dans un regard d'égout, sans avoir mis mon zob dans des coins trop bizarres. Je voudrais pas finir sans connaître la lèpre ou les sept maladies qu'on attrape là-bas, le bon ni le mauvais ne me ferait de peine si je savais que j'en aurais les traits. Et il y a aussi tous ceux que je connais, le fond vert de la mer où valsent les brins d'algues, sur le sable ondulé, l'herbe grillée de juin, la terre qui craquelle, l'odeur des conifères et les baisers de sel, que ceci, que cela, la belle que voilà, mon ourson, l'Ursula. Je voudrais. Serge Reggiani, Je voudrais pas crever, une chanson de 1970. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui cette semaine nous parle de la force de l'habitude. Voici le pourquoi du comment. « Pourquoi l'habitude est-elle un mystère? Il y a quelque chose de très surprenant dans le fait de contracter des habitudes. Voilà que la première fois que je fais tel ou tel mouvement, par exemple un mouvement inhabituel, compliqué, difficile, marcher sur avec des patins sur la glace pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, voilà qu'on me le fait répéter encore. Et voilà que cette répétition dans quelque chose qui est même quelque chose de mystérieux produit autre chose que le retour du même, l'éternel retour de la même maladresse, mais produit au contraire une appropriation par le corps vivant de certains gestes qui font qu'ils deviennent plus souples et pour certains quasiment automatiques. Mais alors c'est comme si on passait d'un automatisme extérieur qui ne produit rien à un automatisme inconscient aussi qui marcherait en quelque sorte tout seul, comme si il n'y avait pas dans cet apprentissage lui-même, dans cette habituation du corps, quelque chose qui vient toucher au cœur du vivant, au cœur de la vie. Il y a au fond des théorie extrême ici qui s'oppose dans l'histoire de la philosophie et de la métaphysique pour expliquer non seulement ce problème moral et politique de l'habitude, des bonnes et des mauvaises habitudes, mais ce mystère ontologique au cœur de notre vie et de notre corps, du pouvoir de prendre des habitudes. D'un côté, il y aura les théories mécanistes justement de la répétition, de cette association qui vient répondre à des problèmes vitaux, et même Bergson finalement tend à réduire l'habitude à cette part superficielle de la vie déterminée par la réponse à nos besoins. Mais l'un des philosophes qui l'avait inspiré, pourtant Félix Ravesson, au début du 19e siècle, auquel Claire Marin avait consacré une thèse très importante dans la lignée aussi de Ricoeur, eh bien Ravesson, lui, avait vu dans sa petite thèse extraordinaire sur l'habitude un véritable pouvoir actif, spirituel au cœur du vivant. Il y a dans le vivant autre chose que des mécanismes, la preuve c'est l'habitude. L'habitude c'est le signe qu'il y a un sujet, qu'il y a une action mystérieuse qui dépasse le pouvoir rationnel mais qui est un esprit créateur et vivant. Il y a ici une sorte de métaphysique spirituelle ritualiste de l'habitude, qui certes est très puissante, très vivante, mais qui va à l'autre extrême de cette critique du mécanisme de l'habitude. Mais entre ces deux extrêmes, au fond, ne peut-on pas, et pas seulement par la dialectique d'une dissertation, ne peut-on pas du tout même par la dialectique d'une dissertation qui serait elle aussi un mécanisme, une routine habituelle en philosophie, ne peut-on pas au contraire montrer qu'il y a dans l'habitude autre chose, peut-être quelque chose qui, comme l'ont montré certains philosophes récents, comme Roland Cher, quelque chose qui relie l'habitude et l'habiter le monde et aussi les habits que nous mettons le matin, l'habitude donc comme modalité de création d'une relation entre le vivant et son milieu, entre le vivant et les autres, entre le vivant et lui-même. L'être vivant habite, il s'habille, il a des habitudes, il doit aussi les critiquer, mais l'habitude n'est ni un pouvoir mystérieux de l'esprit, ni une pure répétition automatique et pragmatique en quelque sorte. L'habitude, c'est peut-être aussi simplement le fait que le vivant doit répondre à certaines normes, doit créer certains milieux, surtout ne peut pas vivre dans un monde déserté, doit créer un monde habitable, un monde vivant. L'habitude, c'est aussi une manière de créer un monde où chacun doit pouvoir vivre, des habitudes pour tout le monde, dans le monde. C'est plus important qu'on ne croit. Merci Frédéric Worms et merci à nos invités d'aujourd'hui, Véronique Boudon-Milo, Pierre-Henri Tavoyot et Aline Chamaillan pour vos analyses sur la vieillesse. Les références de vos travaux sont sur le site d'Avec Philosophie. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Yad Kira avec à la technique Élise Leu. Merci à Louise Labarthe qui m'a bien aidée pour sa préparation, ainsi que toute l'équipe, Anna Fulpin, Carla Michel, Chaïma Giboire et Antoine Ravon. Merci aussi aux équipes techniques de France Bleu Provence pour le duplex. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.